Chapitre 15. Le châtiment. Ainsi s'acheva, dans la tristesse et les émotions pénibles, cette fête qui avait eu un si joyeux commencement. Les disciples de Raphaël rapportaient tous dans Rome une sombre préoccupation. Pietro regagna la ville avec eux. C'était un homme singulier que ce moine, et dont on retrouverait difficilement le type aujourd'hui. Élevé par charité dans un couvent, il avait prononcé les vœux monastiques à l'âge où l'on ne connaît rien de la vie, ni par soi-même, ni par les autres. Sous le froc, il avait apporté les passions ardentes d'une imagination vive et d'un sang de feu. Les abstinences et les macérations du cloître n'avaient fait que fortifier son corps déjà extraordinairement robuste et jeter son esprit dans des excentricités de pensée qui le tourmentaient sans cesse. Il avait peuplé sa solitude de fantômes qu'il animait au souffle de son imagination, avec lesquels il s'était tellement familiarisé qu'il les croyait maintenant doués d'une vie réelle. Ces fantômes, la peinture qu'il aimait avec idolâtrie, leur avait donné un corps. Il empruntait les figures qu'il leur prêtait aux chefs-d'œuvre que cette merveilleuse époque suspendit au mur de toutes les églises et de tous les couvents. C'est ainsi qu'il connut Raphaël. Depuis le jour où il avait vu sa première madone, toutes les images aimées jusque-là avaient été abandonnées. Son culte n'eut plus qu'un objet. Après les tableaux vint le maître. Toutes les heures libres que lui laissait la tolérance de son couvent, Pietro les passait à chercher dans Rome les traces du Sanzio, et quand il avait été assez heureux pour trouver le peintre illustre, il mettait ses pas dans les pas de Raphaël, l'accompagnait dans toutes ses courses à travers la ville, et ne le quittait qu'à la porte de sa maison du Bourg-Neuf. Bien plus, il se passionnait pour les femmes qui obtenaient un regard du grand artiste, et la Fornarina n'avait pas plus de fervent adorateur que Pietro, Raphaël d'amis plus dévoués. Il fallut cependant les incidents terribles de la fête de Bacano pour mettre le moine et l'artiste en présence. Arrivé au seuil de sa maison, Raphaël dit à Pietro « Frère, maintenant, à toute heure du jour ou de la nuit, la porte de cette maison est ouverte devant toi. Viens, quand ce sera ton bon plaisir, je serai heureux de te voir. » « Maître, répondit Pietro, j'y reviendrai plus tôt que vous ne croyez peut-être, car si l'heure de la vengeance est finie, l'heure de la réparation n'est pas encore commencée. » Et Stella et Raphaël, avec les plus anciens disciples, entrèrent seuls dans la maison. Paolo, Giacomo et leurs amis s'étaient chargés de retrouver les traces d'Antonio Vanozzi. Pietro se joignit à eux, et dès le soir même, ils coururent les lieux qu'ils fréquentaient d'ordinaire aux heures nocturnes. Ils ne tardèrent pas à le trouver sur les bords du Tibre. Pietro connaissait aussi bien que les camarades de la Vanozza ces cabarets aimés des artistes et des mariniers, surtout depuis qu'il avait découvert les embûches qui circonvenaient les pas de Raphaël et le menaçaient dans ses affections. Il y venait souvent et épiait tout ce qui se faisait et se disait autour de lui. C'est ainsi qu'il avait découvert le pacte criminel conclu entre la fausse vénitienne et Taddeo. Il guidait donc dans leurs recherches, plutôt qu'il n'était guidé par eux, les jeunes gens qui avaient promis de ramener la femme coupable dans l'atelier de Raphaël. Déjà, toutes les maisons ordinaires des rendez-vous de nuit avaient été fouillées, et Pietro parlait d'aller au logement d'Antonio devant Saint-Jacques-de-Latran lorsque Paolo poussa un cri. Devant eux s'était dressée une forme bien connue. Antonio, les habits en désordre, l'œil hagard, se promenait sur les berges du fleuve et paraissait en proie à une vive agitation. Parfois, il précipitait sa marche et l'on entendait des cris rauques sortir de sa poitrine. Du plus loin qu'il l'aperçut, Pietro courut à la pauvre femme et l'apostrophant avec rudesse. « Arrête, beau cavalier, les camarades t'attendent, il est temps de régler nos comptes. »« Que me voulez-vous ? » répondit Antonio. « Justice est faite !» Et d'une course rapide, il s'éloigna en remontant le fleuve. Mais, bientôt épuisé de fatigue, il tomba sans force et presque sans vie sur le sol. Il attendait son heure dernière avec résignation. Quand Paolo et ses amis le rejoignirent, il se laissa aborder et entourer sans difficulté. Mais il refusa de répondre à leurs questions et l'emmenèrent à la maison de Raphaël, au Bourg-Neuf. En reconnaissant ce seuil, qu'il a franchi longtemps avec de si douces espérances au cœur, Antonio Vanozzi sent en instant ses forces renaître. Il a comme une dernière joie avant de mourir, et Paolo, qui naguère le soutenait défaillant à son bras, est étonné de le voir se redresser soudain. Il n'entend pas les mots qu'il murmure, mais depuis le matin, il voit tant de choses étranges passer sous ses yeux que son esprit renonce à comprendre. Cependant, la jeune femme disait, en se parlant à elle-même, « Au moins je mourrai sous ses yeux. Je le verrai une dernière fois. » Le Sanzio, avec Jules Romain et les plus intimes de ses élèves, était dans cette salle basse que nous connaissons et qui servait d'atelier au maître. Une grande tristesse s'était emparée de son cœur et il laissait ses amis causer entre eux sans prendre part à leur conversation. L'arrivée de Paolo le tira de sa rêverie. « Maître, dit le jeune peintre, voilà Vanozzi. » Et la jeune femme entra. Mais qu'elle était changée en quelques heures, grand Dieu. Ses grands yeux noirs sortaient de leur orbite et leur flamme ne rayonnait plus que sur des joies avec flétrie. Les lèvres étaient violettes et ridées, et tout le corps semblait s'affaisser comme brisé par la fatigue. À peine entrée dans l'atelier, elle courut se précipiter aux genoux de Raphaël. « Maître, s'écria-t-elle quand il fut à ses pieds, maître, pardonnez à une malheureuse femme dont l'amour, un amour invincible, avait égaré la raison. Maître, je vous aimais de toute l'ardeur de mon âme, et cet amour m'a fait commettre des crimes. J'ai essayé de les réparer. J'ai donné du contrepoison à Mamaluccia et elle vivra. J'ai arrêté le bras du sicaire que j'avais payé pour frapper Gaffarelli, et le fornaro vivra. Il ne faut pas que l'amour soit entouré d'images de deuil. Cette jeune fille n'est pas coupable de votre amour, qu'elle soit heureuse. Moi seul ai mérité d'être puni pour avoir été criminel, et ma main s'est chargée de votre vengeance. Je vais mourir. Maître, soyez heureux, et ne maudissez pas Antonia qui vous bénit. » Et la Vanozza se roulait et se tordait aux pieds de Raphaël. Pendant qu'elle parlait, on voyait que des douleurs terribles brûlaient ses entrailles. Son visage se couvrait de taches livides et ses mains crispées annonçaient que leur suprême arrivait. Mais d'un geste impérieux, elle éloignait ceux qui tentaient de lui porter secours et de la relever. « Ne m'approchez pas, disait-elle, maintenant c'est fini. Et qu'il me soit permis au moins de mourir aux pieds de celui que j'aimerais toujours. Toujours » répétait-elle avec exaltation. Raphaël et ses élèves étaient vivement émus de cette scène à laquelle ils n'étaient nullement préparés. Les terribles effets du poison précipitaient cette agonie avec une effrayante rapidité. Encore quelques instants, et cette passion insensée avait son dénouement dans la mort. Dans un coin de l'atelier, Paolo cachait à ses amis quelques larmes, car l'amitié qu'il avait vouée à Antonio, quand il ne connaissait pas son sexe, survivait aux émotions du jour. Il s'approcha de la malheureuse agonisante, et la saisissant dans ses bras, il la porta sur un lit de repos. La mort faisait si rapidement son œuvre qu'Antonia n'eut pas la force de résister. Paolo s'agenouilla près d'elle, prit dans ses mains la main de la pauvre femme, et la couvrit de ses larmes et de ses baisers. Antonio souleva sa tête, et reconnaissant Paolo, « Ami, lui dit-elle, merci. Quand je serai morte, tu découvriras mon sein et tu trouveras sous mon cœur le crucifix de ma mère. Je te le donne. Pense quelquefois à la malheureuse Antonia Vanozza. » Pietro lui aussi était vivement ému. Les dernières paroles de la Vanozza lui rappelèrent qu'il était moine. S'approchant de la pauvre femme agonisante, « Madame, lui dit-il d'un ton pénétré et qui contrastait singulièrement avec l'acharnement qu'il avait mis à la poursuivre, « Madame, justice est faite pour les hommes, mais il y a là-haut un juge devant lequel vous allez bientôt paraître, qui pardonne et récompense. Souvenez-vous de lui. Approchez-vous, mon père, et écoutez-moi. » Pietro s'inclina vers ce lit de douleur, écouta la jeune femme, et se relevant, la peignit. À ce spectacle inouï, tous les jeunes gens et Raphaël lui-même fléchirent le genou et toutes les lèvres murmurèrent la prière des agonisants. On entendit comme un soupir de fantôme. « Raphaël, adieu. » Quelques instants après, Antonio avait cessé de vivre.